بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Oh chers frères et sœurs, nous allons continuer ou nous allons aujourd'hui, inshallah ta'ala, terminer ce poème du très savant As-Sa'di rahimahullah ta'ala concernant la voie de vérité. La voie de vérité concernant le manhaj, concernant la aqida, concernant le comportement. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit وَكُنْ ذَاكِرًا لِلَّهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ فَلَيْسَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَقْتٌ مُقَيَّدٌ. Fais donc le rappel d'Allah à tout instant, dans toute situation, car il n'y a pas pour le rappel d'Allah, il n'y a pas de moment déterminé, de moment spécifique. Ce qui est voulu ici, ô chers frères, barakallahu fikoum, c'est premièrement l'importance du rappel d'Allah. Et le fait que le musulman doit beaucoup faire le rappel d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Comme cela a été rapporté de Aïcha radhiyallahu anha dans Sahih Muslim, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le rappel d'Allah dans chacune de ces situations. Et donc le croyant, il va faire le rappel d'Allah dans chacune de ces situations. Qu'il soit debout, assis, couché, Allah tabaraka wa ta'ala, il fait les éloges de ceux qui font son rappel. Il nous dit الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ceux qui font le rappel d'Allah lorsqu'ils sont debout, assis, ou qu'ils sont sur le côté. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne cela. Le fait que le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas lié à un moment précis. Bien entendu, il y a certaines formes de rappel, certaines formes de adhkar qui vont être liées à un moment spécifique. Comme adhkar ou sabah. Donc les invocations, le rappel du matin. Adhkar ou le masa, les invocations, le rappel du soir. Ces invocations sont liées à un moment spécifique. Mais il n'est pas voulu par là que le rappel s'arrête quand tu as fini de faire tes invocations du matin. Beaucoup, Wallahul Musta'an, ils pensent que si ils ont fait les invocations du matin et du soir, khalas, hamdoulillah. Hamdoulillah. Ça suffit. Tu fais tes invocations du matin et du soir et c'est bon. Pour beaucoup, al-adhkar, c'est les invocations du matin et du soir, pas plus. Alors qu'on a les invocations après les prières, on a les invocations donc, lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu rentres chez toi, tout ce que tu fais, il y a des invocations. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne l'importance du rappel, l'importance de se rappeler d'Allah, Tabaraka wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala, elle nous dit dans son livre Inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitati wal-sadiqina wal-sadiqati wal-sabirina wal-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, ceux qui s'adonnent à l'obéissance, qu'ils soient hommes ou femmes, les véridiques parmi les hommes et les femmes, les endurants parmi les hommes et les femmes, ceux qui craignent Et ceux qui font preuve donc d'humilité pour Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les hommes et les femmes, ceux qui donnent l'aumône parmi les hommes et les femmes, ceux qui jeûnent parmi les hommes et les femmes, ceux qui préservent leur partie. Et ensuite il dit tabaraka wa ta'ala, wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirat. Ceux et celles qui invoquent beaucoup Allah. Quelle est leur récompense? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah leur a préparé un pardon et une grande récompense. Et une récompense grandiose. Et donc il est important, barakallahu fikoum, mon cher frère, qu'on comprenne l'importance du rappel d'Allah. Et que nous ne pouvons pas nous passer du rappel d'Allah. Car le rappel d'Allah est la cause de réussite, comme le dit Tabaraka wa Ta'ala dans son livre, et faites beaucoup le rappel d'Allah afin que vous réussissiez, afin que vous puissiez réussir. Et donc nous devons beaucoup faire le rappel d'Allah. Il n'a pas dit faites le rappel d'Allah, il a dit faites beaucoup. Aïcha, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le rappel d'Allah à tout instant. Et on le verra plus tard, inshallah ta'ala, les détails concernant cela. Et donc ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقا والهم عنك ويطرد. Le fait de faire le rappel de la divinité, le Dieu du trône, de manière cachée ou apparente, cela enlève et fait partir le malheur ainsi que l'inquiétude. Celui qui lit le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il voit cela clairement, notamment dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et donc le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala permet à l'individu d'avoir un cœur apaisé, enlève l'inquiétude et la personne se trouve donc dans une situation de bonheur parce qu'elle vit dans le rappel d'Allah, par le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, durant toute sa vie, à tout instant de sa vie, elle fait le rappel d'Allah, elle se réveille. L'individu se réveille, il fait le rappel d'Allah. Pendant la journée, il fait le rappel d'Allah. Il va dormir, avant de s'endormir, il fait le rappel d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est la dernière chose qu'il fait avant de s'endormir. La première chose qu'il fait lorsqu'il s'endort. Subhanallah. Et donc il vit dans un bonheur. Et ensuite il nous dit l'auteur, rahimahullah, ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. سبحان الله. Et certes, le rappel d'Allah entraîne des bienfaits, les bénédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant les sujets mondains et les sujets de liés à l'au-delà. Tu fais le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela ne peut que être un bien pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Et si el waswas, les insufflations viennent à toi un jour, alors le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala repousse ces insufflations. Et ça, on le comprend clairement lorsqu'on lit la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Min sharri al-waswasi al-khannas. contre le mal de Al-Waswas et le Khannas. Al-Waswas ou le Khannas, c'est qui? C'est Shaitan. Et donc contre le mal de Shaitan. Pourquoi est-ce que Shaitan a été appelé Al-Waswas ou le Khannas? Al-Waswas, celui qui va venir insuffler. Al-Khannas, celui qui va s'écarter et ne pas faire les mauvaises insufflations. Et donc, Al-Shaitan, il a les deux noms. Est-ce une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Mais Al-Shaitan, lorsque l'individu délaisse le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Al-Shaitan, il sera avec lui, waswas. Il va insuffler le mal à cette personne. Mais lorsque cette personne fait le rappel d'Allah, alors là, Shaitan sera avec cette personne Khannas. C'est-à-dire que Shaitan va s'écarter de cette personne et la laisser. Ne pas lui faire donc d'insufflation, des mauvaises insufflations. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse beaucoup le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cela ne peut être qu'un bien pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Et d'ailleurs, comme on le voit dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et donc celui qui délaisse le rappel du tout miséricordieux, alors nous allons lier à lui un shaitan qui sera son korin, un compagnon qui ne va pas le délaisser. Alors on comprend de ce rappel, par contre celui, on comprend de ce verset, donc celui qui fait le rappel d'Allah, le rappel de Ar-Rahman, le tout miséricordieux, il n'aura pas avec lui ce korin. Et donc il est important, mon cher frère, barakallahu fikoum, que nous fassions beaucoup le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais est-ce que le rappel d'Allah, ce sont, comme on a dit précédemment, ce sont juste les invocations du matin, du soir? Non. Le rappel d'Allah, c'est général. Ça peut être la lecture du Coran. Ça englobe les assises de science, les assises de rappel. Ça englobe la lecture religieuse et bénéfique, les hadiths. Ça englobe les invocations qu'on va faire régulièrement. Ça englobe la prière, le fait de prier. Le rappel d'Allah, c'est général. Et ça englobe les actes d'adoration que tu vas faire avec ta langue et que tu vas écouter. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne cela. Et qu'on remplisse notre temps du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on le verra dans quelques instants, bi'idnillah. L'auteur qui nous dit, فَقَدْ أَخْبَرَ الْمُخْتَارُ يَوْمًا لِصَحْبِهِ بِأَنَّ كَثِيرَ الذِّكْرِ فِي السَّبْقِ مُفْرِدُ. Certes, Al-Mukhtar, celui qui a été choisi, celui qui a été élu, l'élu, a un jour dit à ses compagnons que ceux qui font beaucoup leur appel précèdent les autres. Mufridou, donc ils précèdent les autres en étant isolés. Selon une des explications concernant le hadith. Pourquoi? Parce que ici l'auteur, rahimahullah, il fait allusion à donc un hadith qui est aussi très connu dans Sahih Muslim, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sabaqal mufarridoun. Les mufarridoun ont précédé les autres. El mufarridoun, les savants, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de savants, ils disent ce qui est voulu ici. Donc, ce sont des gens qui se sont isolés des autres. Ils se sont isolés des autres. Parce qu'ils ont accordé beaucoup de temps pour leur appel d'Allah. Quand tu fais leur appel d'Allah, tu vas aussi donc t'isoler. Tu vas passer du temps dans l'adoration, la prière, les assises. Mais il y a des moments où tu vas t'isoler, beaucoup de moments où tu vas t'isoler pour lire, pour réviser, pour faire les adhkar. Tu ne vas pas rester là à perdre ton temps avec les gens, à parler de tout et de rien. Et donc, ceux qui se sont isolés ont précédé les autres. Alors ils disent, Wabal Mufarridoun, ya Rasulallah, et qui sont donc El Mufarridoun, ceux qui se sont isolés au messager d'Allah. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Dhakirun Allah kithiran wa al-Dhakirat. Il a dit, ceux qui font beaucoup le rappel d'Allah, ainsi que celles qui le font beaucoup. Comme dans le verset qu'on a lu précédemment. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on comprenne l'importance du rappel d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à nous concurrencer. Sache que le rappel, l'invocation, est une cause énorme pour précéder dans la concurrence. Pour devancer les autres dans la concurrence. Et je répète, ce ne sont pas que les invocations du matin et du soir, comme beaucoup peuvent comprendre. Il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit, « Wa wassa mu'adhan yasta'inu ilahahu ala dhikrihi wa shukri bil husni ya'budu. » Et certes, il a recommandé à Mu'adh d'implorer l'aide de son Seigneur, de son Dieu, dans le fait de l'invoquer, de le remercier et de l'adorer de la meilleure des manières. Naam. Ô chers frères, barakallahu fikoum, aux chers frères et sœurs, lorsque nous allons prier, à la fin de notre prière, nous faisons une invocation qui est connue et répandue. Cette invocation nous a été rapportée par Mu'adh, radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk. Ô Mu'adh, par Allah, certes, je t'aime. Et il a répété cela sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il a dit, Usika ya Mu'adh, an la tada'anna fi duburi kulli salatin, takoul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik. Je te recommande, ô Mu'adh, le fait de ne cesser à la fin de chaque prière de dire, ô Allah, aide-moi à faire ton rappel, ainsi qu'à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aime Mu'adh, il lui a donc recommandé de faire cette invocation où il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de l'aider à faire son rappel. Subhanallah. De l'aider à faire son rappel. Car le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala est trop bénéfique aux croyants. Il est très bénéfique aux croyants. Ensuite, l'auteur qui continue, rahimahullah, et il nous dit, wa awsa li shakhsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi haml ash-shara'i yajhadu bi an la yazal radban lisanuka hadhihi tu'inu ala kulli al-umuri wa tus'idu. Et certes, il a recommandé, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé à une personne qui était venue pour un conseil. Et cette personne ressentait des difficultés. Des difficultés, donc, dans la pratique des nombreux préceptes de la religion, de la législation. Il lui a recommandé le fait de ne pas laisser, ou du moins, il lui a recommandé le fait de de ne pas cesser de faire leur appel d'Allah. De ne pas cesser de faire leur appel d'Allah par sa langue. Et que cela va l'aider dans toute chose et le rendre heureux. Et ça encore, ce hadith qui nous est rapporté dans le recueil du Numadja, selon donc Abdullah ibn Busr radiallahu anhu, qui dit qu'un homme est venu au messager d'Allah et lui a dit: Ya Rasulallah, inna shara'i' al-islam qad kathurat 'alayya. Ô messager d'Allah, certes, les principes de la législation, les principes de l'islam sont nombreux et me sont difficiles. Fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi. Alors, informe-moi de quelque chose à quoi je peux m'accrocher. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam: la yazalu lisanuka rataban bi dhikrillah aw min dhikrillah. Il lui a dit: ne fais en sorte que ta langue ne cesse de faire le rappel d'Allah. Subhanallah. Et donc le fait que cet homme fasse cela, cela va l'aider. Tu as du mal dans la pratique religieuse, tu as du mal dans les salawats, tu as du mal dans la lecture, tu as du mal à apprendre. Alors fais beaucoup le rappel d'Allah. Fais beaucoup le rappel d'Allah. Tu as du mal à obéir, fais beaucoup le rappel d'Allah. Tu as du mal à délaisser les péchés, fais beaucoup le rappel d'Allah. Tabaraka wa ta'ala, cela va t'aider. Tu as beaucoup de difficultés, cela va t'aider. Lorsque la personne a beaucoup de difficultés, le fait de faire le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala va la renforcer. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, à plusieurs moments, il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs passages à faire le rappel d'Allah lorsque Allah tabaraka wa ta'ala l'appelle à endurer. Il dit tabaraka wa ta'ala: wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Et fais le rappel de ton Seigneur. Wa tabattal ilayhi tabtila. C'est-à-dire, et isole-toi, retourne-toi vers lui. Certains savants nous disent le fait de délaisser dunya, iqta' nafsaka 'ani dunya. Et donc tu t'isoles, tu délaisses ce bas monde pour Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Le Seigneur du levant et du couchant. La ilaha illahu. Nulle divinité en dehors de lui. Alors prends-le comme garant. Comme protecteur, il va te protéger. Et donc après avoir appelé son messager sallallahu alayhi wa sallam à faire son rappel, il dit quoi par la suite? Il dit: wasbir ala ma yakulun. Et endure face à ce qu'ils disent. Et endure face à ce qu'ils disent. Et donc le fait de faire le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça va t'aider dans la difficulté. Ça t'aide dans la difficulté et ça t'aide donc à patienter face aux injustices des hommes. Et donc, il est important, ô chers frères, barakallahu fikoum, qu'on comprenne l'importance du rappel. Ensuite, il continue, l'auteur, rahimahullah, et il nous dit: wa akhbara anna dhikra gharsun li ahlihi bi jannati adnin والمساكينتم هدو. Et il a informé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que le rappel est un rars. Rarsun, c'est un plan. Ce qui est voulu par un plan, c'est ce qui va être planté et qui va ensuite donner des fruits. C'est un plan pour ses adeptes, un plan pour le paradis. Des jardins de délices et des demeures qui sont préparées pour ces gens-là. Les gens qui font leur appel d'Allah. Leur appel, c'est un grain que tu vas planter. Et c'est un grain que tu plantes pour l'au-delà. Comme l'a recommandé Ibrahim alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, comme dans Jami' al-Tirmidhi, qu'il a rencontré Ibrahim la nuit durant laquelle il a été, donc, Naam, la nuit durant laquelle, la nuit de l'ascension. Ibrahim, il lui a fait quelques recommandations. Et parmi les paroles d'Ibrahim, il y a sa parole lorsqu'il dit Wa annarira sahe. Et que certes, ses plants, c'est-à-dire les plants de, les grains plantés pour le paradis, sont, quels sont ces plans? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Al-Azkar, les invocations, le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, pureté à Allah. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah. La ilaha illallah, nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wallahu akbar, Allah est plus grand que toute chose. Tu veux le paradis? Fais le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Beaucoup se posent la question, je veux investir dans quelque chose qui me sera profitable. Fais le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il continue l'auteur, rahimahullah. Wa akhbara anna Allah yadhkuru 'abdahu wa ma'ahu 'ala kulli al-umuri yusaddidu. Et certes, il a informé que Allah fait le rappel de son serviteur. Et il a informé que Allah fait le rappel de son serviteur et qu'il est avec lui, il le soutient, il l'aide dans toute situation et le secours. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, Fadhkuruni adhkurkum. Alors rappelez-vous de moi, faites mon rappel. Et je me rappellerai de vous. Et je ferai votre rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit concernant son serviteur, Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Celui qui se rappelle de moi en lui-même, je me rappellerai de lui en moi-même. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ. Et si il fait mon rappel dans une assemblée, alors je ferai son rappel dans une assemblée meilleure que l'assemblée dans laquelle il a fait mon rappel. Allahu Akbar. Et donc, comme sont nombreux les bénéfices du rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme sont nombreux les bénéfices du rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, parmi les bénéfices du rappel, et on le verra, on va laisser ça pour plus tard, inshallah ta'ala, puisque de toute façon, l'auteur va en parler. Donc, on continue. On avance, petit à petit, bidnillahi ta'ala. Bien entendu, je ne vais pas faire trop long. Mashallah, vous avez déjà assisté à tous les autres cours des frères. Allahumma barak, qu'Allah leur récompense pour leurs interventions. Et qu'Allah, donc, récompense tous ceux qui ont aidé à l'organisation de ce séminaire ou de ce webinaire. Et donc, vous avez déjà assisté à pas mal d'interventions. C'est pour cela qu'on ne va pas faire longtemps. On ne va pas faire très long, inshallah ta'ala. Et donc l'auteur, il continue. Et il nous dit وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. Et il a informé que le rappel perdure dans le paradis, alors que l'obligation des œuvres s'estompe au moment où il est éternel. Et donc, au moment où l'individu a une vie éternelle. Et donc, lorsque les gens du paradis seront au paradis, ils n'auront pas d'obligation, parce que on sait très bien que ici-bas, la vie que nous avons ici-bas, c'est Daru Amel. C'est une demeure d'œuvre pour œuvrer. Par contre, dans l'au-delà, c'est Daru Jaza, une demeure pour être rétribué. Et donc, il n'y a plus l'obligation, les obligations que nous avons ici-bas. Mais par contre, le rappel perdure. Subhanallah. Le rappel va continuer. Les gens vont continuer à faire le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jal a décrit les gens du paradis. ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. Et donc leurs invocations seront le fait de dire سبحانك اللهم, pureté à toi ô Allah, et leurs salutations seront السلام. Leurs salutations dans le paradis seront Assalam. Assalam, c'est un rappel. Wa akhiru da'wahum. Et leurs dernières invocations, Anil hamdulillahi rabbil alamin. Le fait de dire toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et donc, dans le paradis, les gens feront encore le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, mais on a dit que ce n'est pas une demeure d'œuvre, c'est une demeure de rétribution. Pourquoi il faut encore le rappel? Parce que ce rappel n'est pas comme le rappel ici-bas. Ce rappel est un plaisir total qu'ils prennent. Ce n'est pas une obligation. C'est un plaisir et une récompense pour eux de faire ce rappel. Subhanallah. Et donc le rappel fait partie des œuvres qui vont perdurer dans l'au-delà. Ensuite, l'auteur, il nous dit, Rahimahullah, وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذِكْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى حُبِّ الْإِلَهِ وَمُرْشِدُ وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. سبحان الله. Quelle belle parole de Saadi rahimahullah. Et donc il nous dit ici l'auteur rahimahullah, et si il n'y avait dans le rappel d'Allah que le fait d'être un moyen d'obtenir l'amour de El-Ilah, celui qui est adoré, et un moyen de guidance. S'il n'y avait que cela dans le rappel d'Allah, ainsi que s'il n'y avait que le fait que le rappel d'Allah préserve le jeune de tomber dans la médisance, le colportage, ainsi que toute parole qui va corrompre la religion, alors s'il n'y avait que ce qui a été cité dans le rappel, nous aurions certes eu une grande part et un grand désir de faire beaucoup le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme est bon celui qui est unifié, el-muwahhadou, celui qui mérite d'être unifié. Celui qui mérite d'être unifié, tabaraka wa ta'ala. Car c'est celui dont son rappel est profitable. Et donc ici, dans cette parole de l'auteur, rahimahullah, on voit déjà que le rappel est une cause permettant d'obtenir l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Certes, tu veux que Allah azza wa jal t'aime. Il y a des causes qui permettent d'obtenir l'amour d'Allah. Et parmi ces causes, il y a le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dites, si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et donc nous devons suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment était le messager d'Allah? Comme l'a décrit Aïcha radhiyallahu anha, il faisait le rappel d'Allah dans toutes ces situations. Dans toutes ces situations. C'est pour ça d'ailleurs que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كِثِيرًا. Certes, il y a pour vous chez le messager d'Allah un exemple à suivre, un très bon exemple à suivre pour tous ceux qui espèrent la rencontre d'Allah et espèrent le jour de donc le jour dernier, et font beaucoup le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc le rappel d'Allah entraîne l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc nous devons beaucoup faire le rappel d'Allah. Et il n'est pas convenable de délaisser cela. Ensuite, il y a aussi, donc parmi les éléments que l'auteur a cités, rahimahullah, parmi les bénéfices du rappel d'Allah, le fait que le rappel d'Allah est une guidée, est une guidée. Lorsque tu suis le rappel d'Allah, que tu lis le Coran, ceci est une guidée, le Coran est une guidée. Et le Coran, c'est un dhikr. C'est le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il n'est pas convenable qu'on délaisse le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cela n'est pas convenable. D'ailleurs, l'auteur qui nous dit, ou du moins Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous dit que celui qui délaisse son rappel, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ, il aura certes une vie difficile. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, et au jour de la résurrection, nous donc l'amènerons au grand assemblement aveugle. Et donc ici, le rappel d'Allah, ce qui est voulu ici, c'est le Coran. Et donc, il n'est pas convenable qu'on délaisse le rappel d'Allah. Et c'est là qu'on voit la grave erreur que certains ont. Lorsqu'ils vont se concentrer sur Adhkar al-Sabah ou al-Masa, et ils ne lisent pas le Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et que c'est étonnant qu'ils te disent, oui, je ne me sens pas bien, ma foi, si, ça, ça. Mais t'en es où du Coran, le livre d'Allah? Toi, tu lui dis le livre d'Allah. Lui, il te dit, oui, mais adhkar al-sabah wa al-masa. Le dhikr ne s'arrête pas aux invocations du matin et du soir. Il faut arrêter ce manque de compréhension. On est là, on fait les invocations le matin, on fait les invocations le soir, Et toute la journée, on oublie le Coran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cela est grave. Il est important, barakallahu fikoum, qu'on s'entraide à faire monter le niveau. Certains sont là depuis longtemps, connaissent le manhaj depuis des années. On attend quoi pour apprendre l'arabe? On attend quoi pour apprendre l'arabe? Afin de faire d'autres types de rappels. Afin de pouvoir faire des rappels purement en arabe. Afin de pouvoir lire les tafassirs. Afin de pouvoir étudier les livres des ulama purement en arabe. On attend quoi? Ça aussi, ça fait partie du rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le rappel d'Allah est une guidée. Nous ne pouvons pas nous passer du rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah préserve l'individu de tomber dans les péchés, les mauvaises paroles qui vont corrompre sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khayran aw liyasmut. » Celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Dans l'explication de ce hadith, les savants nous disent que lorsque tu dis du bien, c'est-à-dire lorsque tu prononces des paroles qui vont entraîner des récompenses, comme le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc si tu as une parole à prononcer qui va entraîner une récompense pour toi, alors prononce-la. Mais si tu veux prononcer une parole qui est juste permise, alors délaisse cela. Permise, c'est-à-dire qu'il ne va pas entraîner de récompense. Ni de récompense, ni de péché. Ils nous disent, les savants, délaisse cela. Pourquoi? Parce que le fait de beaucoup prononcer des paroles permises, des paroles qui n'entraînent pas de récompense, cela entraîne le fait de tomber dans le péché. Au lieu d'être là à faire du bien, à lire le Coran, à réviser le Coran, à méditer sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, à lire des ahadiths, à chercher à comprendre des ahadiths, à chercher à comprendre l'aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, certains vont rester là et à parler de voitures, de Ferrari, de ci, de ça, avion, voyage, etc. Et au bout d'un moment, ils tombent dans le péché. Ils tombent dans le péché. À parler sur un tel et un tel, etc., etc., etc. Comme c'est le cas de beaucoup qui se permettent de parler sur les gens comme cela, sans prendre garde à leur langue. Et donc le fait de beaucoup faire le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça aide à ne pas tomber dans le péché. Mais même lorsque tu tombes dans le péché, parce que nous faisons tous des péchés, lorsque tu tombes dans le péché, cela t'aide à délaisser le péché. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous cite des caractéristiques des pieux, des vertueux. Et il nous dit الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّةِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ceux qui vont dépenser en période d'aisance et de difficulté. Ceux qui vont retenir leur colère et pardonner aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime les bienfaisants. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim. Et ceux qui sont tombés dans une turpitude ou qui se sont fait injustice à eux-mêmes, se sont rappelés d'Allah et ont imploré le pardon pour eux-mêmes. Et donc le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala t'empêche de tomber dans le péché. Et si tu tombes dans le péché, le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala t'aide à t'en sortir. Comment pouvons-nous nous passer du rappel d'Allah? C'est une erreur, barakallahu fikoum, je le répète, je sais, ça fait plusieurs fois que je me répète dans le même cours, ceux qui vont nous faire le, donc, adhkar al-sabah ou al-masa, et ensuite, tout le reste de la journée, il n'y a pas d'adhkar. Parfois même, certains, ils ne font même pas la salat. Allahul Musta'an. Il ne fait pas sa salat, il est là. Azkar al-Sabah wal-Masa. La ilaha illallah. Barakallahu fikoum l'ifkar. Nous ne pouvons pas arriver, nous ne pouvons pas rester à un tel degré d'insouciance. Il est important qu'on comprenne manhaj al-haq, la voie de vérité. La voie de vérité. La voie de vérité, ça englobe la aqida, ça englobe ton comportement, ta manière d'être. Ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas délaisser cela. Et donc, s'il n'y avait que ces bienfaits que nous avons cités dans le rappel d'Allah, alors certes, nous aurions quand même une grande part du rappel d'Allah et nous aurions un grand désir de faire beaucoup le rappel d'Allah. Car juste ce que nous avons cité comme bienfaits dans le rappel d'Allah, c'est grandiose. C'est grandiose. Et ensuite, il continue l'auteur, rahimahullah, et il nous dit « Walakinnana min jahlina kolle dhikruna » Cependant, nous, par ignorance, nous ne faisons que peu le rappel d'Allah. De la même façon que nous ne nous adonnons que peu à l'adoration de l'Ilah, le Dieu. Et donc, parmi les causes qui font que des gens vont délaisser leur appel, vont délaisser les assises de science, vont délaisser toute cause de rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'ignorance. Ce qui fait que certains sont tombés dans cette ambiguïté, invocation du matin, invocation du soir, et ils pensent que ça y est, ils ont fait le rappel d'Allah, c'est l'ignorance. Elles sont toutes les autres invocations que tu fais durant la journée. Et certains qui sont là, qui vont faire leur appel d'Allah, ils vont faire les invocations du matin, du soir, et dès qu'ils ont fini l'invocation, ils ferment leur petit cahier ou leur petit livre, et ils le mettent dans la poche. Le livre n'est même pas encore correctement posé dans la poche qu'il a commencé déjà à faire des péchés. Parce qu'il n'a pas compris l'intérêt du rappel. Il ne méditait pas ce qu'il disait quand il faisait le rappel. Et ça, c'est à cause de l'ignorance. Et donc, il est important, aux chers frères, qu'on fasse monter le niveau. Qu'on apprenne l'arabe. Parmi les recommandations des ulama, lorsque j'étais en Arabie, le fait qu'ils nous disent et qu'ils disent aux étudiants en sciences, il n'est pas convenable qu'on reste dans cette situation. La situation où on est dépendant. Ici, il nous parlait du fait d'être dépendant des autres dans des recherches bénéfiques pour obtenir la science. Que l'étudiant en sciences doit avoir un bagage convenable, lui permettant de faire des recherches. Que dire donc de celui qui va rester toute sa vie à dépendre des traducteurs? À dépendre des traducteurs. Si personne de fiable n'a traduit tel et tel livre de tel savant, tu ne pourras pas connaître le livre. Allahul Musta'an. Et donc il est important, chers frères, qu'on apprenne notre religion. Qu'on fasse l'effort de passer des heures à réviser notre vocabulaire, à réviser nos règles de grammaire, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre. Et si c'est difficile, alors invoque ton Seigneur. Et d'ailleurs, l'auteur, tout de suite après cela, il nous dit « Wasar rabbaka tawfiqa wal fawza da'iman » فما خاب عبد للمهيمن يقصد. Alors demande tout le temps à ton Seigneur qu'il t'accorde la réussite. Al-muwaffaq man waffaqahu Allah. La réussite, elle est accordée à celui, la réussite, ou du moins celui à qui la réussite est accordée, c'est celui dont Allah lui a accordé la réussite. Alors demande à Allah, tu veux comprendre l'arabe, demande à Allah, pose-toi cette question, maintenant, tout de suite, à cet instant, combien de fois tu as demandé à Allah qu'il te permette d'être arabophone? Combien de fois? Une, deux. Invoque beaucoup, mon frère, ma soeur, invoque beaucoup. On est là, on veut devenir arabophone, on ne fait pas les causes. Invoque beaucoup, normalement, chaque salat t'invoque. Chaque salat, t'es là, Allah, oh Allah, accorde-moi l'arabe. Oh Allah, accorde-moi l'arabe. Oh Allah, je veux lire ton livre. Je veux comprendre ton livre. Toute personne qui se retourne vers son Seigneur, tout serviteur qui se retourne vers son Seigneur et l'invoque, il n'a pas perdu. Car Allah tabaraka wa ta'ala répond, il exauce. Dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala yastahi min abdihi. Il est gêné de son serviteur. Idha rafa yadei. Il est, lorsque celui-ci lève ses deux mains vers Allah tabaraka wa ta'ala, il invoque Allah. An yaruddahuma sifran. Que Allah est gêné de lui rendre ses mains vides. Et donc de ne pas répondre à son invocation. Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis qu'il répondait aux invocations. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et donc il est important, chers frères, barakallahu fikoum, qu'on comprenne l'importance du rappel, l'importance du fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et de faire des efforts en cela. Et il finit l'auteur, rahimahullah, en disant, wa salli ilahi ma'a salamin wa rahmatin. على خير من قد كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. Et fait les éloges ainsi que le salam et la miséricorde et accorde la miséricorde ô ma divinité à celui qui est le meilleur, la meilleure des créatures et le meilleur des guides. Et accorde cela aussi à sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis. Une éloge et un salut divin qui perdurera éternellement. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde à tous la réussite et qu'il nous place parmi ceux qui font beaucoup son rappel. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.